بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand les hypocrites viennent te voir, ils disent : Nous attestons que tu es le messager de Dieu. Or, Dieu sait bien que tu es son messager. Il atteste que les hypocrites ne font que mentir. Ils se servent de leurs serments comme boucliers et détournent les hommes de la voie de Dieu, comme est odieux ce qu'ils font. Cela parce qu'ils ont rejeté la foi après avoir cru. Alors leur cœur est scellé de sorte qu'ils ne comprennent rien. كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Et quand tu les regardes, leur apparence te plaît, et quand ils te parlent, tu écoutes volontiers leurs discours. Ils sont semblables à des bûches appuyées contre un mur, incapables de se tenir debout seuls. Le moindre cri leur paraît dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Alors prends garde. Que Dieu les anéantisse, comme ils dévient du droit chemin. Et quand on leur dit « Venez », le messager de Dieu implorera le pardon pour vous. Ils détournent aussitôt la tête et s'éloignent, remplis d'orgueil. Que tu implores pour eux le pardon ou que tu ne le fasses pas, leur situation demeure inchangée. Dieu ne leur pardonnera jamais de toute façon, car Dieu ne guide pas les pervers. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Ce sont eux qui disent : Ne dépensez rien pour ceux qui sont avec le messager de Dieu, afin qu'ils se dispersent et s'éloignent de lui, alors que c'est à Dieu qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre. Mais les hypocrites ne comprennent pas. Ils disent : Si nous retournons à Médine, le plus puissant expulsera sûrement le plus faible, alors que c'est à Dieu, à son messager et aux croyants qu'appartient vraiment la puissance.